Aujourd'hui dans l'affaire sensible, l'accession d'Hitler au pouvoir. Le 30 janvier 1933 s'inscrit clairement dans la liste des dates événements, celle qui coupe en deux un siècle, ou un pays, ou un continent. Ce jour-là, Adolf Hitler est nommé chancelier de l'Allemagne. La jeune République de Weimar s'effondre, le Troisième Reich prend forme. En quelques mois, le pays bascule vers l'abîme qui conduira le monde à la guerre, la seconde et au génocide des Juifs et des Tziganes d'Europe. Qui ont été les compagnons, les alliés, les financiers de cette ascension? Quel est donc le processus qui va mener ce grand pays d'Europe centrale vers la catastrophe? Durant le récit, vous entendrez des extraits d'articles de presse et de textes d'écrivains français, Joseph Kessel, Daniel Guérin ou d'hommes politiques comme Léon Blum. Tous ont été contemporains de la catastrophe, tous ont été témoins de l'avant 30 janvier 33. Alors, qu'ont-ils vu de l'Allemagne, de l'avènement d'Hitler, de ses projets? Ont-ils eu conscience du basculement vers l'impensable? Notre invité aujourd'hui, l'historien Johann Chapoutot, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, auteur notamment d'une biographie d'Hitler. Affaire sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot avec le soutien de Balthazar Hurtado, coordination Christophe Parer, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaire sensible, sur France Inter. Nous allons entrer au Reichstag pour nous procurer dans l'arsenal des armes de la démocratie, les propres armes de la démocratie. Nous allons devenir des députés du Reichstag pour détruire l'esprit de Weimar avec son propre soutien. Si la démocratie est assez bête pour nous donner des indemnités de transport et un salaire quand nous lui réglons son compte, c'est son affaire. Nous considérons tout moyen légal bienvenu pour révolutionner l'ordre actuel. Si, à l'occasion de ces élections, nous réussissons à placer 60 ou 70 agitateurs dans les différents parlements, l'État, à l'avenir, va équiper notre appareil de combat. Mussolini aussi est entré au Parlement, ce qui ne l'a pas empêché, peu de temps après, de marcher sur Rome avec ses chemises noires. Il ne faudrait pas croire que le parlementarisme est notre chemin de Damas. Nous venons en ennemis. Nous arrivons comme le loup dans le troupeau de moutons. Désormais, des intrus sont parmi vous. Quand Joseph Goebbels écrit ses lignes pour le journal nazi Der Angriff, l'attaque en français, la campagne législative de 1928 prend fin. À l'écoute de ses propos belliqueux et inquiétants, on pourrait penser Goebbels confiant. En réalité, cette hargne cache la crainte d'un échec cuisant. Car depuis des mois, l'orateur boiteux au visage taillé à la serpe, le responsable de la propagande du parti nazi, ne cesse de se plaindre du manque de moyens financiers alloués à la campagne de son parti. L'argent des donateurs, dont celui d'importants industriels comme Émile Kerdhoff, un géant des charbonnages de la Ruhr, ou bien encore Fritz Thyssen, un magnat de l'acier, cet argent enrichit plus Adolf Hitler que le mouvement nazi. Goebbels, lui, manque de tout, de tracts, de haut-parleurs, de disques, de films. Il essaie tant bien que mal de compenser cette infortune par des discours de plus en plus hystériques. Mais le 20 mai, le résultat est sans appel. 2,6% des suffrages. Même si 12 députés entrent au Parlement, en cette année 1928, le Parti national-socialiste d'Adolf Hitler reste à la marge de la vie politique et sociale de l'Allemagne et les vociférations de Hitler et de sa bande n'y peuvent rien. Quand on épluche la presse française au lendemain des résultats, on ne parle presque pas d'Hitler. Pour beaucoup des observateurs de l'époque, le leader nazi n'est qu'un putschiste raté, un agitateur parmi d'autres de la scène fasciste européenne. À l'époque, nombreux sont les factieux et les provocateurs d'extrême droite à se rêver en Mussolini dans leur propre pays. Dans toute l'Europe, comme dans la République ou la révolution bolchevique, le fascisme a ses partisans, ses rites, ses financiers. Le Parti national socialiste des travailleurs allemands est l'un d'entre eux, ni plus ni moins. Surtout qu'en 1928, malgré sa jeunesse, la République de Weimar tient bon. Les historiens qualifient d'ailleurs cette période d'année d'or, une époque durant laquelle, d'un point de vue économique, social et diplomatique, l'Allemagne retrouve son souffle après la défaite de la Première Guerre mondiale et une place dans le concert des nations. Mais deux ans plus tard, en 1930, 107 députés nazis, chemises brunes et bras tendus, entrent au Reichstag. En 1932, ils sont 230. Comment ce petit parti médiocre d'un peintre autrichien moqué est-il devenu la principale force politique de l'Allemagne ? Si 1928 est une année d'or, 1929 marque l'entrée dans l'ère des malheurs. En janvier, en Allemagne, on recense 3 millions de chômeurs. Dans les campagnes, l'économie agraire ralentit. Dans les villes, la faim commence à se faire sentir. Sur la scène politique, les digues cèdent. Après la victoire de la gauche, les droites se rapprochent. Ainsi, lors d'un référendum sur la dette de guerre durant l'été 29, aux côtés des partis traditionnels conservateurs, on retrouve les nazis. Invités à la table respectable des leaders reconnus, Hitler remplit salles et meetings. Et les adhésions augmentent, l'influence grandit. Ainsi, en juin, dans le Land de Saxe, 14% des électeurs soutiennent les hommes de la Croix-Gammée. Première victoire. Quatre mois plus tard, en octobre 1929, à Wall Street, la bourse s'emballe. C'est le crack, la faillite, le chômage. Les États-Unis et l'Europe basculent vers l'inconnu. En quelques mois, chaque pays en lien avec l'économie américaine sombre dans la dépression. L'Allemagne est touchée de plein fouet. Les investisseurs s'en vont, les hauts fourneaux s'éteignent, les usines ferment. Les nazis, eux, récoltent les colères, dont celle de cet ouvrier non qualifié. Le terrible fardeau de l'effondrement menaçait de paralyser toute la vie économique. Des milliers d'usines fermaient leurs portes. La faim était la campagne quotidienne du travailleur allemand. À cela s'ajoutait le fouet artificiel de la rareté, manié par les juifs, qui obligeait les travailleurs à filer de leur maison pour quémander des vivres auprès des paysans. Le gouvernement poussa si loin ses mesures contre le public qu'un travailleur honnête devait recourir au vol pour se procurer de quoi manger. Tous les concitoyens, à l'exception des communistes, aspirer à des temps meilleurs. Pour ma part, comme beaucoup d'autres, les revers économiques m'avaient fait perdre tout ce que je possédais. Au début de 1930, j'ai donc adhéré au Parti National Socialiste. Comment devient-on nazi en 1930 ? Comment des ouvriers, des paysans, des intellectuels, des patrons, des petits fonctionnaires se sont-ils fourvoyés ? Eh bien, par adhésion et par désespoir. Celui d'un malheur qui s'abat du jour au lendemain, qui fissure les familles et qui rend le futur anxiogène. La haine des rouges, de ceux du pouvoir, des sociodémocrates, la haine rance contre les étrangers, contre les juifs. La haine tout court de la République de Weimar, fille du traité de Versailles et des tranchées 14-18. Le système, comme on l'appelait alors. Mais cette haine de la République n'est pas née de Wall Street et de sa chute. Elle est une vieille maladie lointaine, portée autant par la foule que par les élites. La première pense ne pas y avoir accès. La seconde se méfie des privilèges que peut en tirer le peuple, parce que la République, c'est l'égalité des chances, un principe dont se méfient les mieux lotis. Mais bon, tant que l'économie était heureuse et généreuse, la démocratie de Weimar était acceptée, tolérée. Mais à l'arrivée des premiers nuages menaçants, elle devient pour certains laide et gangrénée, responsable surtout de tous les maux de la société. Peu à peu, face à la crise, les coalitions passées se fissurent. En mars 1930, le chancelier social-démocrate Hermann Müller démissionne. Le président Hindenburg appelle alors un catholique du centre, Heinrich Brüning. Sans majorité, ce chancelier gouverne à coup de décret. La démocratie se recroqueville, l'autoritarisme reprend des couleurs, le Parlement est dissous, une nouvelle campagne commence. Hitler et ses chemises brunes sentent le vent tourner. Ils reprennent la route. Et surtout le territoire. Les salles de meeting débordent. À Breslau, ils sont 25 000 à l'intérieur, 6 000 autres à l'extérieur. Et ils suivent les discours grâce à des haut-parleurs. Qu'entendent-ils ? De longs discours où les diatribes antisémites sont moins présentes qu'au début des années 20. Désormais, ce qui domine les paroles du Führer, ce sont ses attaques contre les partis politiques, tous fautifs selon lui d'avoir fait du pays une ruine. Alors il prophétise l'effondrement de l'État et promet la protection d'un espace vital opposé à la concurrence internationale. Son mouvement ne souhaite pas renverser le gouvernement. Non, il veut détruire le régime et fonder une nouvelle société. Dans ce futur, pas de concitoyens, mais des compatriotes, unis face aux parasites et aux scélérats. Le leader nazi en appelle à une communauté fondée sur la science, la race, la guerre. En fin de campagne, le 10 septembre 1930, il déclare « Ce que nous promettons, ce n'est pas une amélioration matérielle du rang de chacun, mais un renforcement de la nation, parce que c'est la seule voie du pouvoir et de la libération du peuple tout entier. Une libération qui passera par la force et la violence, comme s'en inquiète le correspondant français de l'intransigeant, Albert de Gobard, dans un article publié 3 jours après ce meeting. » Il a doté ce parti de chemises fascistes, d'un salut à la romaine et d'une discipline de fer. Il a organisé des troupes de choc et d'autres de résistance. Il moleste ceux qui ne pensent pas comme lui. Il organise des expéditions et terrorise les régions lorsqu'il en a ainsi décidé. C'est lui qui a organisé la terreur en Rhénanie après le départ des troupes alliées. C'est lui qui chaque dimanche manifeste d'un côté ou de l'autre de l'Allemagne sa présence et celle de ses troupes par des échauffourées sanglantes. Si demain Hitler fait le geste de lever les matraques, il sera suivi et obéi. Mais ces prophètes de l'apocalypse peuvent-ils gagner ? En Allemagne, comme ailleurs, on ne construit pas un parti important sans argent, beaucoup d'argent. Or, le parti nazi en manque, on l'a dit. En France comme en Allemagne, on pronostique alors un score en dessous des 10% pour les nazis. En fait, on ne veut pas croire, on n'ose pas voir dans cette effervescence le signe d'un avènement prochain. Peu avant les élections, dans son journal radical, le militant pacifiste fervent soutien de la démocratie en Allemagne, Karl von Ossietzky, écrit « Aucun national-socialiste n'est en position de définir le socialisme de son parti. Il ne reste donc rien en dehors du dogme assez particulier de la vocation d'Adolf Hitler à sauver la nation allemande. La croyance en la personnalité appelée à jouer le rôle de chef est la seule chose qui ait été élaborée en une sorte de théorie du national-socialisme. Mais c'est du mysticisme. Et avec le mysticisme, il est possible d'en faire accroire aux gens quelque temps, mais pas de leur remplir le ventre. » Et pourtant, le 14 septembre 1930, 107 députés nazis entrent au Parlement. Le mouvement d'Hitler devient la seconde force du pays, devant les communistes et derrière les sociaux-démocrates. Les nazis ne remplissent pas les ventres, certes, mais apparemment, ils donnent de l'espoir à certains. À l'étranger, désormais, on regarde différemment l'ancien putschiste. Les résultats des élections de 1930 intriguent autant qu'elles inquiètent. De Londres à Paris, de Rome à New York, Hitler fait la une. À chaque sortie importante, des envoyés spéciaux sont dépêchés. Et c'est ainsi que fin septembre, au lendemain de sa victoire aux législatives, des dizaines de correspondants rejoignent Leipzig, où Adolf Hitler est appelé à comparaître lors d'un procès en tant que témoin. L'affaire est sérieuse d'ailleurs, car 3 officiers y sont jugés pour faits de haute trahison. Ils auraient fomenté un coup d'État en faveur des nazis. Était-ce le cas ? En réalité, ce n'est pas la question, ou du moins, ce n'est pas à cette question qu'Hitler est venu répondre. Se sachant désormais écouter des médias étrangers, le leader nazi transforme le procès en tribune. Et c'est ainsi que le 26 septembre, les lecteurs français de l'œuvre, de l'Excelsior, du Petit Parisien, de l'Écho de Paris ou encore du Populaire découvrent cette réponse d'Hitler au président qui l'interrogeait sur la naissance de son Troisième Reich. Le mouvement national-socialiste s'efforcera d'atteindre son but dans cet État par des moyens constitutionnels. La Constitution nous indique seulement les méthodes, pas l'objectif. Suivant cette voie constitutionnelle, nous essaierons de gagner des majorités décisives dans les corps législatifs, afin, le jour venu, de faire entrer l'État dans un moule qui convienne à nos idées. Le lendemain de cette déposition, l'offensive médiatique se poursuit. En Grande-Bretagne, le Daily Mail, journal conservateur, publie un entretien exclusif avec Adolf Hitler, dans lequel ce dernier menace à demi-mot les démocraties européennes. Que le monde ne s'y trompe pas. Le peuple allemand est résolu à conquérir sa liberté et son droit à la vie. Les triomphales élections du 14 septembre ont déchiré tous les voiles et mis en pleine lumière la vraie âme allemande. Elles ont été, pour ces politiciens allemands qui ont assujetti la patrie à la plus grande des servitudes et l'ont laissé saigner à blanc par la France, l'Angleterre et l'Amérique, la suprême répudiation et flétrissure. L'Europe est entrée dans la plus grande crise de son histoire. Le choc qu'elle vient de recevoir de l'électorat allemand n'est rien auprès de celui qui va bientôt l'étourdir. La presse internationale n'est pas la seule à prêter attention au leader nazi. Le patronat également s'intéresse à lui, et cette considération est fondamentale. Hitler en a bien conscience. Sans les capitaines d'industrie, sa marche vers la chancellerie sera compliquée. Alors, outre les meetings auprès des foules, il multiplie les rencontres et les dîners. Deux petits cercles restreints, des rencontres intimes, durant lesquelles il flatte, séduit, convainc sans excès ces autres ambitieux et puissants que sont les acteurs économiques. Par exemple, le 5 janvier 1931, Hitler dîne avec l'ancien président de la Reichsbank, Hjalmar Sacht, qui en décembre 1930 a évoqué son admiration pour la vitalité du parti nazi. Voilà ce que cet homme dit de cette rencontre. Il avait, pour présenter les choses, un talent des plus frappants. Tout ce qu'il disait, il en faisait une vérité incontournable. Néanmoins, ses idées n'étaient pas déraisonnables et échappaient totalement au pathos de la propagande. Il s'exprima avec modération, manifestement soucieux d'éviter tout ce qui était de nature à nous choquer en notre qualité de représentants d'une société plus traditionnelle. Hitler était obsédé par ses propres paroles. Foncièrement fanatique, il avait un effet des plus puissants sur son public. C'était un agitateur né, en dépit d'une voix rauque, parfois brisée, et assez souvent enrouée. Parmi ses amis dans les cercles du pouvoir, nous pouvons citer également Walter Funk, ancien rédacteur en chef d'un journal financier, qui organise pour le leader nazi toute une série de rencontres avec d'importants chefs d'entreprise. Certes, le parti nazi a mauvaise réputation, mais la crainte qu'il suscite ne concerne ni la guerre ni l'antisémitisme, mais l'influence socialiste du programme et d'une aile du parti. Alors Hitler s'en défend, mais l'image est tenace, surtout que le syndicat nazi a participé à certaines grèves. Des gauchistes, ces nazis ? Bien donc. Toujours est-il qu'à la fin de l'année 31, de nombreux obstacles semblent empêcher les rêves exaltés d'Hitler. Qu'importe, la crise est là, tenace. Le choix de la déflation porté par le chancelier Brüning fragilise les plus faibles. L'allocation chômage baisse, tout comme les salaires. Les dépenses publiques diminuent de 25%, alors que les impôts augmentent. En février 32, le chômage touche 34% des travailleurs. L'Allemagne n'est plus qu'un amoncellement de misère et de peine. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle campagne politique s'ouvre, celle des présidentielles. Hitler sera candidat. Peut-il mettre en difficulté le vieux maréchal Hindenburg ? Man hat jetzt alles, was man will, man könnte glücklich sein. Die große Stadt ist plötzlich still. Man lebt für ihn allein. Man denkt an mich, so schön ist diese Zeit. Man hat nur Angst, dass sie vorübergeht. Und denkt ganz leise heimlich an den ersten Streit, bis man ihm plötzlich gegenübersteht. Und da weiß man nicht, was man sagen soll. Und man findet alles so banal. Und er nahm doch früher nie den Mund so voll. Und nun schreit er so mit einem Mal. Und man schweigt und fühlt genau, jetzt ist es Schluss. Und es lohnt nicht einmal mehr ein Wort zu sagen. Jetzt ist alles aus. eine Welt stürzt ein. Man ist wieder einmal so allein. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Mars 1932. Parmi les envoyés spéciaux qui couvrent l'élection présidentielle en Allemagne, l'écrivain Joseph Kessel. Soudain, ce fut comme un choc. Au-dessus d'un dédale de rails qui se nouait et se dénouait en un faisceau de serpents métalliques et de trains qui se croisaient à toute vitesse, un énorme pont se profila sur le ciel, peint de rouge vif. Et sur ses flancs que soutenaient des piliers géants, éclatantes, étalées en lignes blanches, deux croix gammées apparurent. Entre elles, cette inscription. Welt Hitler. Votez Hitler. Joseph Kessel rejoint l'Allemagne pour le compte du journal Le Matin. Son but n'est pas de raconter les confidences des hommes du Parlement, de la chancellerie ou des candidats à l'élection présidentielle, non. Kessel veut voir, raconter la rue, la foule, les travailleurs, les miséreux, les militants. Au printemps 1932, la Grande Dépression ne s'est pas envolée. Derrière les portes cochères, nombreuses sont les familles qui ont installé matelas et tentes dans la cour des immeubles où ils ont été expulsés. La misère est ainsi, pudique. Si Kessel l'évoque, ce n'est pas cela qui marque le journaliste français, mais le sang qui s'étale sur le pavé des rues. Le jour même de son arrivée, le journaliste apprend la mort d'un militant nazi tombé la veille près de la gare de Silésie lors d'une rixe. Alors qu'en France, l'affaire aurait fait la une, en Allemagne, la presse signale à peine l'événement. Ce pays s'est-il habitué à la violence ? Curieux, Kessel interroge les témoins de la bagarre, et tous racontent la même chose. Voilà des mois que communistes et nazis se font la guerre, des mois que chaque jour on dénombre des morts. La misère a laissé place à une guerre civile, et bientôt les esprits seront contaminés. C'est le 12 mars 32 à Dortmund que Joseph Kessel voit Adolf Hitler pour la première fois. Terre natale d'un important financier du parti nazi, Fritz Thyssen, cette ville a été choisie comme lieu du dernier meeting de la campagne. Dans les quartiers industriels, on ne voit ni ciel ni horizon tant les usines et les hauts fourneaux s'imposent au paysage. Mais en 1932, le fracas de l'acier a laissé place au silence. Tout est sinistre, fermé, mort. Dans les cités ouvrières, 350 000 chômeurs sur 600 000 habitants meurent à petit feu, mort sociale, mort tout court. Malgré la crise, les places sont vendues entre 1 et 20 marques et aucun siège ne reste vacant, guichet fermé. Voir celui qui se présente comme le sauveur à un prix. Kessel a réussi à se faufiler devant. En attendant l'arrivée du Führer, il assiste au défilé des troupes de choc et des partisans du leader halluciné. Bannières, croix gammées, musique et hurra, la foule délire, la foule chavire, elle hurle à 9h, Hitler apparaît. Kessel est déçu, il trouve l'homme médiocre, sans élégance, sans puissance. Il n'est pas le seul observateur étranger à ressentir cela. Dorothy Thompson, une correspondante américaine qui le rencontre, le décrit comme incohérent, jacasseur, ne tenant pas en place, manquant d'assurance, l'archétype même du petit homme. Kessel se méfie de son appréhension. Kessel regarde la foule. Soudain, je commençais à entrevoir la vérité. Hitler avait abordé jusque-là les questions générales, les lieux communs des orateurs de son parti. Brusquement, il cria. Il se frappa la poitrine. Aussi, il y eut un déclic dans toute sa personne. Le visage s'anima, le petit nez se dressa plus orgueilleusement et la petite bouche fut crispée de passion. Adolf Hitler commençait à avoir du talent. Il parlait de lui. Et face à lui, une foule qui attend son Führer depuis des heures. Oui, Führer, guide, tous ses partisans l'appellent comme ça. ce que le tribun déclare est pris pour argent comptant. Et puis, il y a ce qu'il dit, bien sûr, mais la façon dont il le dit. Hitler délivre une parole extatique sous les yeux de Joseph Kessel. Les affirmations orgueilleuses, déréglées, délirantes pleuvaient comme grêle. Je suis le seul capable de sauver l'Allemagne. J'ai fait une tournée du sud au nord, de l'ouest à l'est. Et en Poméranie, en Silésie, à Hambourg, dans la Saxe, dans la Thuringe et la Rhénanie, j'ai forgé une nouvelle Allemagne. L'inspiration s'emparait de lui. C'était cri sur cri, crise sur crise, chaque fois que le mot « je » s'échappait de ses lèvres. Et accouplé à ce mot revenait sans cesse le mot « Deutsch »,« Deutsch », qui retentissait dans la foule, la soulevait, la saoulait. Kessel conclut son reportage ainsi. Adolf Hitler se croyait un si grand homme qu'il en avait persuadé ses auditeurs. Dans l'Allemagne enfiévrée, où j'avais déjà vu tant de signes de dérèglement, celui-là était le plus profond, car il voisinait avec la démence. Une démence qui permet à Hitler de rassembler un peu plus de 30% des suffrages lors du premier tour de la présidentielle et presque 37 lors du second tour, soit 13 millions d'électeurs. Ce nouveau succès est-il surprenant? Eh bien, pas vraiment. La campagne d'Hitler a été un rouleau compresseur. Et puis l'argent ne manque plus. Grâce à ses donateurs, le chef nazi a pu sillonner le pays en voiture et en avion. C'est une première. Le Führer survole l'Allemagne, dit alors le slogan. En juillet 32, lors d'une nouvelle campagne législative, bis repetita, avion, meeting, défilé, folie. Hitler n'exerce pas le pouvoir, pas encore, mais il détient le ministère de la parole. Je parle, je hurle, donc je suis. Le 30 juillet à Berlin, Kessel retrouve le chef du parti nazi. Sur cet autel monstrueux, sa voix amplifiée par les haut-parleurs résonna comme la voix du tabernacle. Alors inconscient de la mise en scène, électrisé par la satisfaction de son attente, par les marches militaires, un déploiement de forces gigantesques et la pourpre des torches, le peuple du stade acclama celui qui l'enivrait de sa propre personne, enflé démesurément par la nuit et le feu. Le lendemain, le 31 juillet 1932, le Parti national-socialiste devient la première formation du pays avec 37,27% des suffrages, ce qui signifie l'entrée de 230 députés nazis au Parlement. À la présidence, Hindenburg hésite à changer de chancelier. En août, il rencontre néanmoins Hitler. L'entretien est tendu. D'après les notes de son secrétaire, le maréchal refuse de prendre le risque devant Dieu et les Allemands, je le cite, de donner tous les pouvoirs aux dirigeants nazis. Qu'importe, Hitler attendra. La République est malade, il en est certain. On l'appellera bientôt, lui, pour y mettre fin. C'est un peu, pour Hitler, vive la crise. Sans coalition, de toute façon, la dissolution de l'Assemblée sera automatique. Et de fait, en 3 ans, la démocratie de la République de Weimar est dissoute. Elle n'est plus que cendre. Tout est effacé, les partis, les idéaux, la morale, le futur. Les rues des villes ne sont plus que violence, rixes, combats. Et la situation économique ne cesse de s'aggraver. Dans ce marasme, même les certitudes et les identités passées s'écroulent. Tout semble irréel, illogique, irrationnel. Daniel Guérin, écrivain révolutionnaire français présent en Allemagne durant cet automne 1932, écrit dans l'hebdomadaire communiste Monde. Personne en vérité ne sait plus le pourquoi des choses. Aussi voit-on des ouvriers nazis prendre part aux grèves, et l'on voit aussi des égarés passer, avec une déconcertante aisance, d'un camp à l'autre. Social-démocrate devenant nazi, nazi se faisant communiste, et vice-versa. Il est des nazis et des communistes que rapproche la haine commune de la social-démocratie et le slogan empoisonné de la libération nationale. Il est des socialistes et des fascistes que rapproche le mythe d'une économie dirigée, d'un syndicalisme d'intérêt général intégré dans l'État. Chez les plus égarés parmi les travailleurs, j'entends ce monologue qui pourrait bien sonner le glas de l'Allemagne démocratique. Pourquoi n'écouterais-je pas ces nouveaux sauveurs qui me promettent du pain, du travail et qui me jurent qu'ils sont eux aussi un parti ouvrier, révolutionnaire, socialiste, Heil Hitler. Et Étonnamment, le 6 novembre 1932, lors de nouvelles élections législatives, après une énième dissolution, l'ascension des nazis stagne. Le parti recule même, oui, il perd 2 millions d'électeurs. Les communistes, eux, gagnent 2 points. Alors, est-ce le signe d'un déclin de l'extrême droite? Certains le pensent. À l'intérieur du parti également, on s'inquiète de ce recul. On s'interroge, et si le choix de la légalité démocratique était une erreur? Comme durant l'été, Hindenburg invite les différents chefs de parti. La rencontre avec Hitler se tient le 19 novembre. Ce jour-là, le président reçoit une pétition signée de la main de 20 industriels qui lui demandent de nommer Hitler chancelier. Parmi eux, Fritz Thyssen, mais aussi Halsmar Sart. Mais l'effet est nul. Hindenburg refuse toujours de donner le pouvoir au chef nazi. Mais le 30 janvier 1933, il change d'avis. Pourquoi? La réponse tient en un nom, Franz von Papen. Sans lui, Hitler n'aurait sans doute pas été nommé. Ancien chancelier lui-même, aristocrate ambitieux, gendre d'un industriel puissant, habitué des cercles de pouvoir, Papen décide de proposer un marché à Hitler et de jouer les intermédiaires auprès de Hindenburg. En quelques semaines, il réussit à convaincre hommes politiques, militaires et propriétaires fonciers de nommer le nazi à la chancellerie. Oh, une nomination qu'il promet sous contrôle. Von Papen s'engage en effet à tenir Hitler sous sa coupe. Il aurait même dit à Hindenburg et à son entourage « Ne vous inquiétez pas, c'est Hitler, on va tellement l'acculer dans un coin de la pièce qu'on va le faire couiner. » En poignardant la démocratie, Papen et ses complices, autrement dit les forces de l'argent, du capitalisme, pousse l'Allemagne dans l'abîme. Le 30 janvier 1933, Hindenburg se laisse convaincre. Hitler entre à la chancellerie. Von Papen est nommé vice-chancelier. Philippe Barrès, envoyé spécial du matin, décrit cette nuit-là. Toutes les nouvelles s'effacent devant la tempête d'émotions presque religieuses qui soulève ce soir le peuple de Berlin. Un énorme défilé des nationaux-socialistes unis aux nationalistes traverse la ville à la lueur des torches. À minuit, une fenêtre du palais présidentiel s'est éclairée et la carrure puissante du vieil homme, Hindenburg, est apparue noire sur un fond d'or. À l'arrivée des premiers drapeaux nationaux-socialistes, une autre fenêtre s'est éclairée, de même, et Hitler s'y est dressé. La foule rit, crie, chante. Est-elle consciente, la foule, qu'elle vient de précipiter dans les ténèbres son pays, l'Europe et le monde? Yes, yes, Mr. Hitler. Hitler started out in 1932. Hitler started out in 1932. When he started out, he took the home from the Jew. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down someday. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground someday. When Hitler started out, he took the Jews from their home. Hitler started out, took the Jews from their home. That's one thing, Mr. Hitler, you know you done wrong. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down someday. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground someday. You ain't no iron. You ain't no solid rock. You ain't no iron. You ain't no solid rock, no, you ain't. What we making people say, Miss Hitler, you is got to stop. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down someday. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground. We're gonna bring him to the ground. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir avec notre invité Johann Chapoutot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes historien, spécialiste du nazisme, auteur notamment d'une biographie sur Hitler, co-signée avec Christian Ingrao. Nous avons commencé le récit à l'élection de 1928. Cette année-là, que représente le Parti National-Socialiste des Travailleurs Allemands sur l'échiquier politique allemand, et finalement, qu'est-ce qu'il envoie comme message social, puisqu'il y a socialiste? Alors, il représente pas grand-chose, ou plutôt plus grand-chose, parce qu'il aurait pu représenter quelque chose jusqu'en 1923, c'est-à-dire jusqu'à l'acmé de la crise terrible que connaît l'Allemagne depuis 1914. La guerre, la défaite, la guerre civile, la guerre à l'Est, et l'hyperinflation qui vidange complètement la société allemande. Et jusqu'en 1923, le parti nazi a quelque chose à jouer, un coup à jouer, c'est-à-dire qu'il peut capitaliser sur les peurs, les angoisses et les haines et le ressentiment d'une large partie de la population allemande. Ensuite, effectivement, c'est ce qu'on appelle le quinquennat doré, vous l'avez dit, c'est-à-dire ces 5 années de normalisation politique, économique, sociale et aussi diplomatique, où là, le parti nazi qui aurait pu être quelque chose n'est plus rien parce que, de fait, son message ne mord plus. Il ne mord plus sur la société, il ne parle plus à la société allemande parce que c'est un message, au fond, parfaitement réactif, parfaitement négatif, et là, c'est quelque chose que les Allemands ne veulent plus entendre. Évidemment, la situation change en 1929. Quant au socialisme, eh bien, c'est un attrape-nigaud, et c'est pensé comme cela depuis le départ. Quand le parti nazi s'est fondé entre 1919 et 1920, il a été baptisé national-socialiste pour une chose, pour une raison parfaitement opportuniste, qui était de détourner les masses prolétariennes du projet internationaliste, c'est-à-dire communiste, pour le ramener dans le bercail nationaliste. Et pour cela, il fallait dire à ces masses prolétariennes, eh bien, nous sommes des socialistes. C'était faux, et Hitler le savait pleinement, c'est un homme de droite, parfaitement assumé, et il le prouve d'ailleurs tout au long des années 20, mais c'était un attrape-nigaud. Alors, taper sur la, critiquer sévèrement la République de Weimar est largement répandu. Je rappelle quand même que dans République de Weimar, il y a République, et puis il y a démocratie aussi. Alors, on peut quand même se poser la question de la faible condamnation d'Hitler en 23, enfin, après le coup d'État manqué, l'emprisonnement relativement confortable pendant lequel il peut écrire tranquillement Mein Kampf. Alors, attaquer la République, oui, pas trop, mais quand même un petit peu. Quelle responsabilité elle porte, là. Ça, c'est la faiblesse structurelle, originelle, si vous voulez, de la République de Weimar. Lorsque les sociaux-démocrates arrivent au pouvoir à l'automne 1918, ils décident de ne pas faire de chasse aux sorcières, de ne pas faire de spoil system, c'est-à-dire de ne pas remplacer les cadres administratifs, judiciaires, universitaires. Donc, les anciennes élites d'ancien régime restent en place. Partout, et notamment dans la magistrature. Et dans la magistrature, vous avez des nationaux conservateurs, hein, dans leur quasi-totalité, et des gens qui sont pas forcément partisans du nazisme, en tout cas sensibles à la culture nazie, qui est nationaliste, antisémite, raciste, réactionnaire, et qui est au fond la leur. Donc, quand Hitler se retrouve face à des juges en 1923, eh bien, il écope d'une sentence tout à fait modérée, hein, de 5 ans, et ensuite il est libéré pour bonne conduite. On voit un biais très net dans la magistrature. Lorsque vous êtes d'extrême droite et que vous tuez un communiste, vous risquez 10 mois de prison. Lorsque vous êtes communiste et que vous tuez un nazi, au début des années 20, vous risquez plutôt 15 ans de prison ferme, voire la peine de mort. Mais pourquoi? Parce que les idées, les préceptes que porte Hitler et les nazis s'inscrivent dans un courant de pensée qui peut-être devient de plus en plus fort en Europe. Moi, je pense aussi en France au groupuscule d'extrême droite qui était puissant dans les années 30. Est-ce qu'il y a, je ne veux pas dire un phénomène de mode, mais un phénomène comme ça, comme très contemporain, ces idées-là avec un État fort, raciste, replié sur eux-mêmes, voilà ce qu'il nous faut, une maison bien tenue, quoi, quelque part. Absolument, mais ça vient d'une raison simple, c'est que les nazis n'ont rien inventé de ce qu'ils disent. Mais oui, effectivement. Hein, le racisme, c'est pas eux, l'antisémitisme, c'est pas eux, le capitalisme, c'est pas eux, le nationalisme, le colonialisme, etc. Ils reprennent toutes ces idées-là qui font partie d'un fond commun européen et occidental, un fond commun qui est radicalisé par la Première Guerre mondiale et l'expérience anthropologique de la violence de masse, et d'une violence extrême. La Première Guerre mondiale, c'est un moment où pendant 4 ans ou 5 ans, 80 millions d'hommes au front se sont vus adresser le message que être violent et tuer l'autre n'était pas répréhensible, mais au contraire était un acte politique valorisé. Et cette culture de guerre demeure, notamment en Allemagne et en Italie, qui sont, l'Italie un pays vainqueur, mais avec une victoire mutilée, disent les Italiens, et en Allemagne, un pays qui ne comprend pas sa défaite. Et il y a une forme de brutalisation à la fois du discours et des pratiques, dont les nazis sont les plus grands représentants. Alors, dans l'un de vos articles, intitulé « Les nazis et la République allemande », vous concluez votre propos par cette phrase. « Le nazisme a pour projet politique une communauté antipolitique qui abolit la cité issue des Lumières de la Révolution française avec la disparition de l'individu comme principe. C'est tout simplement la politique elle-même qui disparaît au profit du biologique fondement d'une biocratie qui ne repose plus sur la paix et la raison, mais sur la race et la guerre. C'est un constat effrayant, c'est le pire du pire de toute gouvernance, finalement. Oui, parce qu'effectivement, c'est le remplacement du politique ou de la politique par le biologique. Et alors ça aussi, c'est un phénomène structurel européen et occidental qui est lié au grand prestige des sciences de la nature et de la vie, hein, médecine, biologie, éthologie, zoologie, sciences naturelles, depuis la seconde moitié du 19e siècle, et singulièrement depuis Darwin, hein, qui n'est certes pas un prophète du nazisme, mais qui a été repris, hein, si vous voulez, par ces gens-là. C'est cette idée selon laquelle la société telle qu'elle a été créée par la Révolution française, la société du contrat social, issue de la pensée de Rousseau et de la pratique de Robespierre, c'est-à-dire cette société dans laquelle vous êtes libre de venir et de sortir, eh bien, la société n'est pas une idée valide. La seule idée valide, la seule réalité qui existe, c'est une réalité naturelle qui est la communauté organique du sang et de la biologie. Et les nazis le disent clairement, Hitler le dit d'ailleurs dans ses discours, le nazisme c'est de la biologie appliquée. Voilà. D'où cette idée de biocratie, c'est-à-dire d'une politique et d'un pouvoir fondé sur les supposées lois de la nature, qui sont en fait des lois d'une guerre permanente entre races. D'où le concept de race supérieure, Untermenschen aussi. Absolument. Directement issu de cette pensée-là, si tant est qu'on puisse parler de pensée, mais c'est presque plus du réflexe animal quelque part. Oui. On n'est pas loin. On va quand même parler des oppositions. L'Allemagne est un pays étouffé par, non pas la haine, mais les haines qui viennent un peu de partout. C'est d'ailleurs le mot haine, un mot qui revient souvent dans les écrits des envoyés spéciaux envoyés en Allemagne entre 1928 et 1933. On va écouter l'un d'eux, Joseph Kessel, évidemment, lors d'un entretien de 1956 qui évoque le contexte de la guerre civile et les faiblesses des partis d'opposition. L'opposition était considérable par le nombre. Les hitlériens, alors, n'étaient qu'une minorité, nombreuse, agissante et résolue, mais tout de même une minorité. Seulement, l'opposition était divisée en partis que séparaient des fossés infranchissables. Il y avait d'abord les communistes. Ceux-là étaient les mieux organisés et les plus forts. Ils auraient pu opposer à Hitler, et ils opposaient d'ailleurs, des combattants qui s'affrontaient tous les jours, d'où ces morts quotidiennes. Mais ils étaient brimés, ils étaient maintenus dans une demi-impuissance par les autorités qui, c'était une erreur immense comme on l'a vu plus tard, les redoutaient plus qu'ils ne redoutaient les hitlériens. Ainsi, on leur avait interdit de porter un uniforme, tandis que les hitlériens conservaient le droit de porter le leur. Or, dans l'Allemagne, d'alors, l'uniforme avait un prestige tel que, le fait est presque incroyable, mais beaucoup de jeunesse communiste sont passés dans le camp hitlérien uniquement pour avoir le droit de porter un uniforme. Il y avait encore les socialistes. Cela était une puissance électorale, mais n'avait pas de troupes de choc nécessaires pour s'opposer dans les combats de rue aux hitlériens. Il y avait ensuite tous les partis du centre, mais cela était des bourgeois et ils n'avaient pas le dynamisme, ni le goût d'aller dans la rue, et leur propagande était très faible. Le seul adversaire véritable de Hitler était un homme de 82 ans, même de 84 ans, je crois, qui était Hindenburg. Alors, l'histoire est un débat, hein, évidemment. Johann Chapoutot, est-ce que vous partagez cette analyse? Le portrait que fait Kessel de la vie politique en Allemagne est intéressant. Disons que face aux nazis, il y a quoi? Il n'y a pas grand-chose, en fait. Parce que vous avez les soutiens de la démocratie de Weimar, ce qu'on appelle les partis de la coalition de Weimar de 1919, qui se sont réduits un peu comme peau de chagrin. De cette coalition de Weimar, il reste le SPD, qui reste une force électorale importante. Parti social-démocrate. Hein. Voilà, le Parti social-démocrate. qui reste une force importante avec 15% des voix, un centre-gauche qui a fondu, et malheureusement le Zentrum, c'est-à-dire le centre droit catholique, qui est passé de l'adhésion à la République, parce que la République c'était la fin de Bismarck, la fin de l'Empire qui avait été contre les catholiques, eh bien on est passé du côté du centre droit, de l'adhésion à la République à l'opposition, puisque le Zentrum a basculé à droite avec l'élection de Monseigneur Cass hein, comme chef du Zentrum en 1929. Et vous avez la droite bourgeoise, qui a comme programme explicite de mettre fin à la démocratie. Cette droite bourgeoise nationale conservatrice, elle ne s'est jamais adaptée à la République, au fond, elle reste monarchiste de cœur, et elle veut mettre fin à la démocratie. Et vous avez enfin le KPD, qui, le Parti communiste allemand, qui veut très clairement mettre fin à la République bourgeoise, élitaire. C'est Rosa Luxembourg. C'est Rosa Luxembourg, mais qui a été assassiné avec Karl Liebknecht en 1919. Mais c'est maintenant Ernst Thälmann qui, en bon soldat de Moscou et du Comintern, veut mettre fin à la République bourgeoise. D'ailleurs, c'est intéressant, mais Staline changera d'avis après la déroute de 1933. C'est-à-dire que c'est après la catastrophe allemande que le Comintern, et donc Staline, au premier chef, adopte la stratégie de front populaire, c'est-à-dire d'alliance à gauche, alors que le KPD ne cesse de taper sur les sociaux-démocrates, avec quelques raisons, il faut le dire. Je crois que c'est Rosa Luxembourg qui disait des sociaux-démocrates, en gros, leur philosophie, c'est aller mourir pour le peuple. Oui, vivre avec lui, jamais. Je crois que c'est de Rosa Luxembourg. Oui, les sociaux-démocrates, on les appelle les sociaux-traîtres. Sociaux-traîtres, hein. Voilà, ça résume tout. Alors, on va terminer avec ce qui me paraît un point extrêmement important, c'est le soutien des financiers, c'est le soutien de certains capitaines de l'industrie, c'est le soutien, finalement, des forces de l'argent. À Hitler, là il faut qu'on en parle, on l'a évoqué dans le récit, quel est le poids de l'argent dans l'accession d'Hitler au pouvoir? Alors c'est une question à la fois fondamentale, hein. Oui, c'est une question à la fois politique et économique. La question politique, c'est la question qui se pose toujours hein, à la droite par rapport à l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on fait de l'extrême droite quand on est à droite? Est-ce qu'on pactise, est-ce qu'on fait alliance ou pas? Dans un premier temps, eh bien il y a un cordon sanitaire, mais en tout cas une condescendance polie à l'égard de l'extrême droite nazie, parce que Hitler est perçu comme un tribun vulgaire, populaire, plébéien, un gueulard, un agitateur de tréteaux. Un aboyeur. Un aboyeur et un agitateur de foire et d'arrière-salle avec lequel on ne va pas s'abaisser à pactiser. Cela dit, il y a un rapprochement de la droite avec l'extrême droite dès l'été 1929, c'est-à-dire avant même la crise. Dès l'été 1929, c'est la campagne électorale contre le plan Young, c'est-à-dire contre les réparations et le rééchelonnement de la dette des réparations allemandes. Et c'est la première fois que, dans le front de Habsbourg, si vous voulez, on fait front commun et meeting commun entre droite et extrême droite. Et là, il y a des relations qui se créent. On commence à discuter, à dîner ensemble, à déjeuner ensemble et à parler un peu d'avenir. Et effectivement, cette situation ensuite se précipite au sens chimique du terme avec la crise et avec le problème qui se pose à la droite. C'est que, un, la droite s'effondre totalement du point de vue électoral. Pourquoi? Parce que la droite ne propose rien. Sinon, vous l'avez dit, la déflation, c'est-à-dire l'austérité, c'est-à-dire le renforcement de la crise. Et le deuxième problème de la droite, c'est la montée en puissance des communistes, c'est-à-dire la perspective d'une révolution soviétique. Oui. N'oublions pas que l'Allemagne, c'est la porte à côté. Bien sûr. C'est une grande proximité géographique. Et entre les deux, il y a la Pologne, et justement Hitler va régler son compte à la Pologne pour qu'il n'y ait plus d'entre deux. Il y a aussi permettre de résumer ainsi. Absolument, et puis il y a eu une révolution en Hongrie en 1919, il y a eu une révolution en Bavière en 1919, vous imaginez le traumatisme. Et donc, il y a une espèce de chemin politique qui est fait notamment par von Papen, mais pas que, et ce chemin politique, c'est également un chemin économique, un chemin des élites économiques. Alors, il y a des élites économiques qui sont bancaires, financières, industrielles, qui sont convaincues depuis le début des années 20 qu'Hitler est la solution, hein. Et ça, il y a eu ce rôle de médiation très important de grands bourgeois bavarois comme Ernst Hanstangel, qui est un proche d'Hitler, comme Hermann Göring aussi, qui est très bien connecté dans le monde des affaires et qui a amené des centaines de milliers de marques dans les caisses du parti. C'est comme ça que le parti a pu acheter un journal, par exemple, et financer ses meetings. Mais ensuite, la campagne électorale permanente que nous avons retracée tout à l'heure, hein, qui dure 5 ans, hein, de 1928 à 1933, eh bien, elle coûte énormément d'argent. Vous l'avez dit, des meetings, des défilés aux flambeaux, des meetings gigantesques, l'avion, le cinéma, la radio, les tracts, les affiches, ça coûte un fric fou. Et pour cela, il faut de l'argent. Cet argent vient des financiers habituels, mais aussi, peu à peu, de tous ces financiers qui, dès l'été 1929, commencent à vouloir aider le parti nazi. Alors, mais en espérant, j'imagine, en tirer le marron du feu. Alors, ils en espèrent deux choses. Ils espèrent premièrement que le parti nazi, qui a ses troupes de choc, ses troupes militantes, sera la barrage à la révolution communiste, qui menace, selon eux, parce que selon eux, la Reichswehr, l'armée allemande, est trop faible. 100 000 hommes, c'est trop peu. Par rapport aux 100 000 hommes, vous avez 3 millions de SA. Au printemps 1933 et 400 000 SA déjà à l'été 1932. Donc vous avez des effectifs très importants, militants, bien entraînés, qui peuvent faire tampon. Et ils en espèrent ensuite, eh bien, un retour sur investissement. Et c'est exactement ce qui va se passer. Si vous voulez, Hitler est barré d'un point de vue politique. Mm-hmm. Hindenburg ne veut pas d'Hitler chancelier. Oui, on l'a dit, absolument. Par mépris, par méfiance, etc. Et il se trouve que le gouvernement, enfin, la République de Weimar ne fonctionne plus selon une logique parlementaire, mais depuis 1930, selon une logique présidentialiste, sur le fondement de l'article 48 de la Constitution, qui permet au président de gouverner seul, sur le fondement de sa signature et de ses décrets. Donc tout dépend d'Hindenburg. Et Hindenburg se laisse convaincre par son entourage immédiat, par son fils notamment, Oskar, et par von Papen, qui organise une réunion entre lui et Hitler chez le banquier Schröder le 4 janvier 1933 à Cologne, et c'est là que le pacte est scellé. Hein, le pacte méphistophélique, si vous voulez, le pacte faustien, de ce gouvernement de coalition droite-extrême-droite qui est désigné le 30 janvier 1933, Hitler chancelier, Papen vice-chancelier, Papen, vous l'avez dit, qui estime qu'il est le politicien expérimenté qui va maîtriser Hitler. C'est tout le contraire qui se passe, parce que précisément, on n'a pas, on a sous-estimé les nazis. Ils étaient très bien préparés, idéologiquement et pratiquement. Et en 6 mois, ils vont dérouler un programme de destruction totale de la démocratie et de la politique, tout simplement. Et le retour sur investissement pour les financiers et les industriels arrive, puisque pendant 12 ans, ça va être une orgie de profit. Pourquoi ? Parce que les nazis relancent l'économie avec... L'économie de guerre aussi. Précisément. Avec l'équipement infrastructurel, les ponts, les autoroutes, etc. Et les autoroutes qui ont une vertu militaire d'ailleurs. Hein. Regardez le dessin des autoroutes allemandes, c'est du Est-Ouest. Hein. C'est pour permettre le transport des troupes rapides entre le front Est et le front Ouest. Hein. Et par ailleurs, évidemment, l'armement de guerre avec les fondamentaux de la première et la seconde révolution industrielle, le charbon, l'acier, l'électricité, les carburants qui sont sollicités et qui, ensuite, bénéficie à partir de 39 d'une main-d'œuvre quasi gratuite louée par la SS, qui est la main-d'œuvre des camps de concentration. C'est-à-dire que la loi des reins des salaires dont parlait Karl Marx, eh bien, c'est la SS qui l'a réalisée pour le plus grand profiliste de l'économie allemande, qui après 1945 va se montrer très reconnaissante, puisque les industries allemandes et les banques allemandes vont recaser tous les anciens cadres de la SS dans leur rang. Bien, si j'ose dire. Quelle est la place des discours antisémites dans cette période-là ? Hein, elle paraît moins prégnante que tout ce qu'on a vu après, ce qu'on sait. Alors, disons qu'Hitler, qui est un fin politique, et Goebbels aussi, ils ont tiré les leçons de l'échec relatif du parti nazi pendant 5 ans, entre 23 et 28, 29. Mmh. Et ils se sont dit qu'au fond, un message uniquement négatif, désignant un bouc émissaire, un ennemi à abattre, etc., n'était pas fécond. Et ce qu'il fallait faire, c'était également proposer quelque chose de positif. Donc, on insiste, à partir de 28, sur le positif. C'est-à-dire, sur le slogan en nazi, Freiheit und Brot, la liberté et le pain. Mmh. La liberté, c'est-à-dire le recouvrement de la souveraineté par cette Allemagne humiliée par Versailles et la SDN, et le pain, c'est-à-dire le retour à la prospérité, tout simplement à la fin de la famine, parce qu'on meurt de faim en Allemagne. Oui, c'est l'urgence. Alors évidemment, le discours et les actes antisémites qu'on sait vont évidemment ressurgir avec d'autant plus de violence. Juste après, merci infiniment, Johann Chapoutot. C'est la fin de notre émission, de notre entretien. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, Affaires Sensibles. Aujourd'hui, l'accession de Hitler au pouvoir, une émission que vous pourrez écouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livre, référence et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui et merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Adrien Cara, Jeanne Maillard et Jean Bulot. Attaché de production, Valérie Priolet. Les coordinations, Christophe Barrère, programmation musicale, Muriel Pérez, réalisation, Coyenne Guyenne, Hélène Bizio, Benjamin Riquet, Jérôme Chélius, comédien, Philippe Pierrat, Aurélien Labruyère, Damien Prévost, Florent Vestoroff. Enfin, voilà, j'ai cité tout le monde.